Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on prend à nouveau la route. Ça va, Sophie? Bah écoute, ça va pas mal. Chaudement, à nouveau. Toi aussi, j'imagine. Chaudement. Moi aussi, effectivement. Chaudement. Je vais parler de d'un oiseau, justement, qui rappelle un peu l'été. Je vais parler du guêpier. On n'a jamais évoqué le guêpier dans l'émission. Tu me dis quelque chose, Je crois pas. Ah bon? Ah bon? Bon, c'est mal. Peut-être c'est... Non, bah peut-être, je me trompe. Je sais pas. Je ne sais pas. Très bien. Et toi, de quoi tu vas nous parler, Sophie, du coup? Eh bien, moi, je vais vous parler de niche écologique. Voilà. Et on va voir un petit peu ça plus en détail. Oui, c'est une petite étude là, qui est parue. Bon, ça fait déjà avril qu'elle est parue, mais je l'avais trouvée intéressante. Eh bien, écoute, on va voir ça, je pense, dans la première partie de l'émission. Mais avant tout ça, on va... en deuxième partie, si tu veux, parce que je crois que j'avais commencé la dernière fois, si ça ne te dérange pas. Eh bien, ce sera comme la deuxième ça, peut, partie, du coup. On voilà. peut faire en... C'est... Une émission très, très, très préparée, comme vous pouvez on l'entend, on l'entend. Non, mais que ce soit pas toujours la même qui commence, quand même. Hein. Voilà, il c'est est vrai, un, il peu, est vrai. Un peu... Il est vrai. Mais est-ce que tu veux commencer la rétro, Sophie? Mais est-ce oui, que tu ça, veux je commencer veux bien, nos y a fameuses pas de petites... Eh ben, ça tombe bien, parce que moi, j'ai des mauvaises nouvelles, donc non. C'est cool que tu commences. Ah bon? Si. Bon, et eh ben, pour commencer la rétro, on va parler de couleurs. De couleurs d'oiseaux, okay. Et il y a une étude donc, qui est parue, alors c'est pas exactement une étude, c'est l'Institut Max Planck qui a fait une publication qui explique que contrairement à ce qu'on pensait, bah, les oiseaux dans les villes en fait ils sont beaucoup plus colorés que ce qu'on croyait, parce qu'au début on se disait bon, ça va être des oiseaux gris, quoi, plus ou moins, mais bah, en fait non. Donc voilà, c'est une petite étude sympa, okay. Dont je vous mettrai les liens en description, évidemment. Ils ont étudié quand même plus de 1200 espèces d'oiseaux, donc qui habitent en agglomération, et ils se sont rendus compte que finalement, ils n'étaient pas du tout des mêmes couleurs que ceux qui n'habitaient pas en agglomération, donc c'est intéressant. Et ça, et ce qui est intéressant surtout... Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça a contredit pas mal d'autres études, donc à prendre avec des pincettes évidemment, hein, mais bon, c'est toujours intéressant de voir des voix discordantes de temps en temps pour essayer de comprendre comment eux, ils arrivent à un résultat différent. Oui, puis c'est l'Institut Max Planck, hein, dans le domaine de l'ornithologie, exactement. C'est quand même presque ce qui se fait de mieux. Donc, voilà, en tout cas, c'est déjà pas mal, hein, on va dire, voilà, très très bon truc. Sophie, on avait parlé il y a quelques épisodes de cela, et bien d'une affaire judiciaire qui se passe dans les Pyrénées avec un trafic oui d'oiseaux. Mmh. Eh ben, je vais reparler aujourd'hui de trafic d'oiseaux. On est cette fois-ci en Sologne et c'est à l'initiative du milliardaire Olivier Bouygues. Quatre personnes qui ont été placées en garde à vue le 4 juin. On ne l'apprend que récemment, puisque l'Office français de la biodiversité a investigué une propriété forestière près d'Orléans et a découvert dans cette propriété de nombreux cadavres d'oiseaux sauvages protégés. On a des buses, on a des aigrettes, on a également des cormorans parmi la liste des oiseaux qui ont été retrouvés. D'accord. Il y a également des pièges qui ont été retrouvés visiblement, l'objectif c'était à chaque fois de détruire les différentes espèces. Donc les cadavres sont mis sous scellés, donc il y a sans doute davantage d'espèces que nous allons avoir comme information. Et ce procès, il est prévu pour, je crois, mars 2026, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, oui. Olivier Bouygues, hein, qui est certes proche de Martin Bouygues, mais ce n'est pas lui qui possède Bouygues Télécom, pour resituer un petit peu le contexte. De mon côté, encore sur la couleur, cette fois-ci, chez les chouettes et les hiboux, beaucoup de colorations qui sont découvertes depuis peu, notamment dans ce qu'on appelle les UV, hein, on en avait parlé déjà pas mal de fois. Et là, encore une fois, on retrouve des colorations UV chez certaines espèces de chouettes et de hiboux qui devraient servir au signalement, donc principalement à la communication entre individus parmi ces espèces. Mmh. Comme d'habitude, c'est toujours intéressant à découvrir parce que c'est vrai qu'on... C'est des études qui sont assez récentes sur ce genre de coloration et on n'en sait pas encore beaucoup sur quel type de communication, comment ça fonctionne. Enfin bref, il y a encore beaucoup à creuser sur ces études-là et c'est toujours intéressant d'en rajouter un petit peu. Sophie, as-tu vu Avatar ? Lequel? On bat les deux. On bat les deux. Les deux films de James Cameron ou la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je les ai vus. Oui. Bon, on va pas parler de ces films. On va parler du réalisateur de ces films, Peter Jackson, qui a un projet extrêmement ambitieux. Oui. Il veut ressusciter le Moa de Nouvelle-Zélande. Mais si, Sophie. Mon Dieu. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est un projet porté par Peter Jackson dans un premier temps, mais aussi la start-up américaine Colossal Biosciences. Il y a déjà un investissement de 15 millions de dollars qui ont été apportés pour justement soutenir cette entreprise visant à la désextinction du Moa. J'ai trouvé cette news particulièrement drôle et je savais que ça allait te faire réagir, Sophie. Ça t'amuse, hein, je sens que ça t'amuse. ça m'amuse beaucoup, d'autant que Peter Jackson est un fan du Moa. Voilà. Il a déjà rassemblé entre 300 et 400 ossements, voilà, avec une collection qui a été légalement constituée. C'est quand même important, il aurait pu faire ça de manière légale, mais non, il les a récupérés de manière légale. Et donc, l'objectif, ça va être tout d'abord d'identifier les ossements qui sont les mieux conservés pour essayer d'en extraire de l'ADN, et à partir de cet ADN, eh bien, essayer de faire de l'alchimie pour ressusciter le fameux Moa, voilà. Oh mon Dieu. Qui a disparu il y a 600 ans à peu près. Oh non. Non mais sérieusement, on a déjà dit que la déextinction, ça ne fonctionnait pas, ce n'est pas la peine d'essayer. On laisse tomber la déextinction. Hein. Allez, ça, c'est fini, c'est terminé, il n'y a rien à voir. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est empêcher d'autres espèces de s'éteindre. Ça pourrait être intéressant, par contre. Ouais, ce serait une très bonne idée. Ouais, j'inciterais Peter Jackson à injecter 15 autres millions de dollars dans la conservation des espèces. Voilà, pareil que Non, le véritable problème vient du fait que la communauté maori accueille le retour du Moa avec enthousiasme. Mm-hmm. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque ce sont des gens qui, ont côtoyé, entre guillemets, l'oiseau il y a fort longtemps, et qui n'ont pas forcément les connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre les tenants et les aboutissants. Bon, tu me diras, Peter Jackson ne doit sans doute pas les avoir. Oui, non plus. C'est ce que j'allais te dire. Eh ben on verra, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, le Moa reviendra. C'est... Ouais, mais alors lequel? Parce qu'il y a plusieurs espèces, c'est pareil, il va falloir... Bon, bref. Ah, ils n'ont pas précisé. Ils n'ont pas précisé. Ah bah, et pourquoi pas faire une chimère? Après tout, on fera un mix de tous les trucs, ça peut être intéressant aussi. Bah, on enlève le M à Moa, on met un B, on met des L à un Boa, et puis c'est bon, c'est bon, on a une autre chose. On a ressuscité le Quetzalcoatl, incroyable. mais carrément. Bon, en tout cas, c'est terminé pour mes petites news. Mon Dieu. Moi, de mon côté, pas grand-chose de plus non plus. Donc, ça, on peut aller parler de sujets vachement plus intéressants. Tu parlais d'autoroute, c'est ça? On parlait de route, on parle d'oiseaux qui existent, on parle de guêpier d'Europe. Ah, bah voilà. Guêpier d'Europe, c'est l'un des oiseaux les plus colorés que vous pouvez voir en France, qui connaît une assez bonne expansion, notamment dans le sud-ouest de la France et dans tout ce qui va être centre de la France, même du côté de l'Auvergne notamment. Quand je dis centre, c'est centre un peu géographique, pas forcément centre quand je parle de la région. Et puis remonte un petit peu sur tout le nord de la Bourgogne. Hein. Nous, on a l'occasion d'en voir notamment dans le sud du département de l'Yonne maintenant, ce qui n'était pas trop le cas par le passé. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce petit oiseau magnifique. Et là, on reste en Europe, mais on part en Espagne. On part dans le parc national de Doñana. Il est situé près de Séville, il est situé dans le sud-ouest donc de l'Espagne. C'est un parc national donc qui a pour, on va dire, environnement des mélanges de sols sablonneux et argileux. Et comme tu le sais, Sophie, eh bien, ce mélange est très important puisque c'est là où le guêpier d'Europe va pouvoir faire ses fameux nids, qui sont d'ailleurs en colonie. Hein. Les oiseaux sont nichent très, très, très généralement en colonie. Donc au cours des 30 dernières années, d'une période de 30 ans qui s'étale entre 1970 et 1999, 17 colonies avaient été retrouvées dans ce parc national, et 1543 nids avaient été retrouvés dans ce même parc national. Il y a deux autres zones qui sont pas très loin du parc national de Doñana, qui s'appellent El Akebuke et La Rochina. J'ai un superbe accent espagnol, je pense que ça s'entend très très bien. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'était qu'à La Rochina, on avait 40 nids qui étaient proches de bord de route. Voilà, ce qui représentait environ 2% des nids enregistrés. Bon, ce qui était assez, on va dire, famélique. Néanmoins, la nidification sur les bords de route, c'était pas forcément quelque chose de très, très, on va dire, novateur, puisqu'on avait déjà des enregistrements de guêpiers dans plusieurs zones géographiques qui avaient été enregistrés près de route. Et puis, en 2000, 56 nids ont été signalés sur des accotements. Alors, il parle de la route du Palais. L'article est en anglais, donc il parle de Palace Road, donc je suppose que c'est la traduction d'une route qui existe cette fois-ci dans la langue espagnole. Et donc, eh bien, on a retrouvé 56 nids, ce qui était un petit peu plus que les 2% enregistrés en 93. D'accord. Et puis en 2011, 2016 et 2022, on a fait 3 autres recensements. En 2011, on a trouvé 327 nids en bord de route. Voilà. Okay. Sur un total de 533 nids comptés sur l'ensemble de la zone. Ça fait pas mal, ouais. En 2016, 190 nids en bord de route sur un total de 200 nids, 94% des nids totaux. Et en 2022, 546 nids qui ont été identifiés en bord de route sur un total de 561 nids, ce qui fait 97% des nids totaux. D'accord. Ce qui est absolument incroyable, ce qui signifie qu'il y a une augmentation continue du nombre de guêpiers qui nichent près du bord des routes. Ce qui peut paraître un petit peu particulier, puisque généralement, les routes sont évidemment fréquentées. Donc, les chercheurs ont essayé de comprendre un petit peu pourquoi les guêpiers s'installaient près des routes. Et ils ont trouvé une petite particularité, une petite corrélation entre l'installation de ces oiseaux près de ces routes et le piétinement des nids un petit peu partout, dans la réserve, par du bétail. Donc le bétail qui a pour particularité de piétiner les différents nids de guêpiers, ce qui fait que les nids sont très difficilement utilisables par les oiseaux. Oui. Donc ce sont des chevaux et des bovins qui sont responsables de ces piétinements. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Les guêpiers ont dérivé quelque peu dans une autre zone géographique de la réserve qui était beaucoup moins sujette justement à ces problématiques. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'oiseaux qui se sont installés dans ces régions. Mais tu vas me dire, Sophie, mais les oiseaux, ils sont quand même un petit peu malins. Et en réalité, ils s'installent dans des zones où le trafic routier est très faible. On parle généralement d'une à deux voitures par jour. Ah oui. Il y a quelques endroits où le nombre de voitures par jour est beaucoup plus élevé. On parle de 500 à 400 voitures par jour, voire même un petit peu plus. Mais très très généralement, on se retrouve justement avec des guêpiers qui sont proches de routes où il n'y a quasiment pas de trafic. Reproduction sur le bord de route qui n'est pas sans conséquence, puisque dans une précédente étude, il s'avère que les guêpiers réagissaient au passage des véhicules comme s'il s'agissait de prédateurs, et donc présentaient des fréquences de cris d'alarme et d'envolées de groupes, puisque je rappelle que les guêpiers nichent en colonies, beaucoup plus élevé. Et puis bien évidemment, il y a le risque d'être tué sur les routes qui est plus important lorsque l'on niche en bord de route. Voilà. Oui. Donc plusieurs individus qui avaient été retrouvés morts sur les colonies. Cependant, et ça c'est extrêmement intéressant, on a trouvé qu'il y avait une augmentation du double de taux d'alimentation des oisillons qui ont été observés en bordure de ces routes. Oh. Et cela pourrait se traduire, ça n'est pas, validé, cela pourrait se traduire par un succès reproducteur plus élevé. Donc il y a un coût-bénéfice qui est assez intéressant pour les oiseaux, mais ce coût-bénéfice a un seuil, et le seuil intervient lorsque le trafic est plus important. D'accord, oui, c'est ce qu'on avait vu avec d'autres études, si je me souviens bien, sur effectivement l'impact des routes, et notamment du bruit de ces routes et du stress que ça engendrait sur la reproduction, tout simplement. C'était dans les Galapagos, où on avait vu effectivement, je crois que c'était une paruline, si je dis pas de bêtises, qui effectivement, lorsqu'elle était soumise à un fort trafic, était beaucoup plus agressive envers ses compagnons, ses adversaires potentiels, notamment les mâles, hein, puisque ce sont souvent les mâles qui se battent entre eux, et qui aussi gèrent le territoire par leur champ. Et donc on avait un comportement beaucoup plus agressif, effectivement, dans ces zones-là, par rapport à des zones où il y avait beaucoup moins de trafic routier. Oui. On avait vu ça sur des petits faucons aussi, qui nichaient près des routes. Et des autoroutes, et il y avait un succès reproducteur en baisse à partir d'une certaine fréquentation dans la journée de la route. C'était intéressant aussi. Mais comme du coup la route est goudronnée, et comme du coup la route est maintenue, et bien du coup les guépiers peuvent nicher justement près de ces bords de route, parce que justement il n'y a pas de risque d'effondrement ou ce genre de choses là, contrairement au fait que Ils nichent près justement de bovins qui pourraient mettre à mal les colonies entières. Mmh. Donc voilà, j'ai trouvé cette étude assez intéressante, puisqu'elle parle effectivement de, encore une fois, de ce fameux attention les routes, mais des fois, certains oiseaux peuvent profiter effectivement de ce qui a été aménagé par l'homme. Et oui. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Bah écoute, ce qu'il faudrait faire, c'est leur conseiller un bon architecte pour qu'il leur mette des étés dans les dans les nids, et comme ça, au moins, on serait tranquille. Parce que moi, je suis sûre que, comme pour les mines, hein, 2-3 petits piliers à l'intérieur, et on est bon, non? Mais ça me rappelle une observation que j'ai faite chez moi, d'Hirondelle de Rivage, qui nichait en fait dans les tas de gravier d'une entreprise de bâtiment, en fait. Ah ouais. Et les tas de gravier n'avaient pas été touchés, donc du coup les hirondelles de rivage sont allées dans le... Ouais, c'est pas bête. Sont allées justement dans le... Ouais, c'est... Dans le sable et les graviers, ouais. Donc, qui sait, peut-être que d'ici quelques années, on aura des guépiers qui nichent. J'y crois moyen, parce que les tas de sable sont quand même très très petits, et le guépier est quand même un oiseau beaucoup plus grand que l'hirondelle de rivage. Et puis il faut quand même un peu plus de matière, je pense, que du sable, juste. C'est sûr que la manière dont il construit son nid, il maçonne pas vraiment, pas comme hirondelle, qui maçonne un minimum. Mais ça pourrait expliquer le succès que l'espèce rencontre en France, puisqu'on voit de plus en plus d'individus en France, notamment dans le sud-ouest, et justement le fait de s'adapter à ces routes assez peu fréquentées pourrait peut-être constituer effectivement... Une raison qui pourrait expliquer justement la recrudescence de l'oiseau en France. Bon, après, il y a aussi, le réchauffement climatique qui doit rentrer en ligne de compte, hein, et l'espèce doit, à mon avis, migrer vers le nord, parce que les températures sont beaucoup plus clémentes et qu'elle parvient à trouver sa nourriture toute l'année. Comme d'habitude, oui, voilà, c'est multifactoriel. Non, mais t'as raison de le préciser. Voilà, j'ai parlé d'un oiseau qui existe. Et on l'en remercie. Merci, merci d'exister, petit guépier. On t'aime, exactement. Ne t'en va pas, surtout. J'imagine les messages qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux, là, avec, oh mon Dieu, avec le petit cœur là, et l'oiseau présent, avec ne t'en va pas, petit oiseau. Alors, niche écologique, Sophie, deuxième partie de l'émission. Oui, niche écologique. Tout le monde sait ce qu'est une niche écologique. On avait déjà parlé de ça, la niche écologique. On en avait parlé pas mal de fois, parce que c'est le sujet de beaucoup d'études, finalement, avec une compréhension un peu plus poussée des écosystèmes eux-mêmes, parce que c'est, comme d'habitude, c'est une histoire de réseau. Chaque espèce a ce qu'on appelle sa niche écologique, dans laquelle elle va évoluer, donc sa niche écologique... ce qu'elle va manger, là où elle va se reproduire, les endroits qu'elle va choisir pour dormir, se reposer, etc. Enfin bref, ce dont elle a besoin pour vivre, ça va être sa niche écologique. Et donc, toutes ces niches écologiques, dans un écosystème, vont être utilisées, occupées par différentes espèces. Et en l'occurrence, certaines sont occupées par des oiseaux, hein, jusque-là tout va bien. Et dans l'étude dont on va parler aujourd'hui, L'étude est très récente, mais elle fait référence à une ancienne étude qui, elle, a été faite il y a à peu près, il y a plus d'une soixantaine d'années, en gros, et qui parlait déjà de niches écologiques à l'époque. Et oui. Et donc, en fait, cette étude, cette ancienne étude est une étude assez classique, parce que c'est quelque chose qui est vraiment cité en référence généralement dans pas mal de bouquins, et quand vous faites des études sur le sujet, c'est la référence à étudier sur les niches écologiques. Et cette étude, qui avait été faite à l'époque par Robert MacArthur, un des fondateurs de l'écologie moderne, quand même, pas n'importe qui. Ah bah oui, c'est... Voilà. C'est un peu... C'est le gars... Pas dire le Albert Einstein de l'écologie, mais pas loin. Ouais, bon, peut-être pas, mais disons qu'en tout cas, il a fait des trucs... voilà, il a fait des trucs bien. Ouais, non, mais voilà. En termes d'importance. En termes d'importance, c'est vrai que c'est important. En termes d'importance, voilà. C'est quelqu'un de très, très... vraiment... assez indissociable de la naissance de l'écologie moderne. Voilà. Donc... Enfin, de l'étude, en tout cas, de l'écologie moderne. Exactement. Et du coup, c'est intéressant toujours de s'intéresser à ce qu'il a publié, même si ça fait longtemps, hein, cette étude, c'était il y a 67 ans, mine de rien. Ça fait un moment, mais ça reste quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui, et c'est pourquoi on va en parler aujourd'hui, parce que les études actuelles se basent quand même sur ces travaux, hein, c'est à noter. Les travaux d'il y a 67 ans, quand même, c'est pas mal. Donc, ce cher monsieur MacArthur, dans cette étude de 1958, il me semble, parlait d'une famille d'oiseaux qu'on appelle les parulines, que vous connaissez certainement, qui sont des petits oiseaux qui sont assez colorés, il y a souvent du jaune sur ces petits animaux-là, c'est très mignon. Généralement, c'est assez... Bon, c'est pas très grand, ça bouge beaucoup, hein, ça se déplace très souvent, c'est pas facile à prendre en photo, mais c'est très très mignon. Donc je vous encourage vraiment à aller chercher des photos, ça va vous plaire. On a déjà parlé de parulines dans l'émission. Bah, je parlais de Galapagos, je crois que c'était paruline. C'est ça. Il me Exactement. Semble. On l'avait évoqué. Exactement. Et là, on va parler de paruline nord-américaine, parce que MacArthur était de là-bas. Et donc, il a décrit 5 espèces de parulines, et il a décrit comment, malgré le fait qu'elles occupaient plus ou moins la même niche écologique, elles étaient capables de vivre dans le même écosystème. Et ça, c'était assez incroyable pour lui, parce que, évidemment, déjà à l'époque, on avait cette notion de niche écologique, et on se disait, bah, s'il y a une espèce qui l'occupe, cette niche écologique, c'est pas possible qu'il y en ait une autre qui vienne, parce que va obligatoirement falloir soit qu'elle la remplace, soit que finalement, l'espèce qui était là au début enlève ou fasse partir celle qui arrive sur place, parce que bah, il n'y a pas la place pour les deux, sur la même niche écologique. Et là, en l'occurrence, il décrit 5 espèces de parulines qui vivent en bonne entente, en quelque sorte, au même endroit, avec une niche écologique qui est très très très similaire. C'est des insectivores, tout ça, et ça va manger plus ou moins les mêmes bestioles. Et donc, ces 5 espèces de parulines, en fait, il avait étudié ça notamment au niveau des arbres, parce que c'est des espèces qui vivent pas mal dans les arbres, et il avait noté que c'était très intéressant parce qu'elles semblaient se partager la hauteur de l'arbre avec des espèces qui étaient plus vers le bas de l'arbre, d'autres qui étaient plus dans les frondaisons, d'autres plus au milieu, etc. Et donc elles arrivaient comme ça à se partager l'environnement qui était l'arbre et la forêt en général à des hauteurs bien précises. Et donc il avait émis plusieurs hypothèses, alors notamment le fait qu'il y avait un partitionnement donc au niveau altitude de cette forêt, mais aussi le fait que peut-être ce partitionnement venait des types d'insectes qui étaient présents à certains étages de cette forêt, et qui permettait donc à une espèce de se concentrer plus sur un type d'insecte que sur un autre, et donc de rester plus à un étage qu'à un autre, ce qui permettait donc d'avoir 5 petits insectivores au même endroit sans que personne ne marche sur les plates-bandes de son voisin. Et bon, c'est une étude qui est très intéressante à cause de ça, parce que c'était un des premiers à montrer que oui, il était possible d'avoir comme ça des oiseaux très très proches, mais qui pourtant arrivaient à vivre ensemble, ce qui au début n'était pas gagné. Et là, l'étude qui est sortie cette année, donc je crois que c'était en avril de cette année, reprend cette étude d'il y a 67, de 1958, et essaie de construire un peu sur cette étude et de reprendre des espèces similaires et de comprendre un peu comment tout ça fonctionne et de voir si les hypothèses qu'il avait écrites à l'époque sont finalement vraies ou pas grâce aux techniques modernes qui nous permettent d'analyser vraiment un peu plus en profondeur l'écologie de ces animaux. Donc, l'équipe est partie étudier 13 espèces de parulines, hein, toujours on reste sur les mêmes bestioles, mais cette fois-ci il y en a 13, il n'y en a pas 5, et elles existent, ou elles coexistent dans les forêts autour de New York, notamment au nord, au nord-est de New York, et c'est là où les oiseaux, en l'occurrence ces parulines, vont se reproduire, notamment durant l'été. Alors elles ont observé le comportement de ces espèces-là pendant 5 étés d'affilée. Non, autant pour moi, pendant 20 ans, donc plutôt 20 étés, parce qu'ils n'étaient là que pendant l'été. Et ils ont collecté pas mal d'informations, alors par exemple, l'endroit dans les arbres auxquels elles étaient les plus souvent vues, en fonction des espèces, donc comme Marc Arthur l'avait dit au début, est-ce que ces oiseaux-là sont plus inféodés aux frondaisons de l'arbre, ou sont plus vers le milieu, ou plus vers le sol. Ils ont aussi collecté la densité de feuilles de ces arbres-là, savoir peut-être s'il y avait une incidence de la luminosité à cause de la densité du feuillage, ou bien tout simplement une incidence de la quantité de feuilles pour camoufler les oiseaux, peut-être qu'ils préféraient d'être mieux camouflés dans certains arbres que d'autres en fonction des espèces, on ne savait pas trop. Et aussi la distance de l'oiseau avec le tronc de l'arbre quand il était en train de manger. Donc par exemple, est-ce qu'il reste sur l'arbre pour trouver des trucs, ou est-ce qu'il va volter aux alentours pour essayer de trouver d'autres choses peut-être qui sont pas exactement sur l'arbre, peut-être des petits moustiques qui volent autour, des choses comme ça. Et ils ont aussi collecté des fientes, évidemment, parce que ça permet de savoir qu'est-ce que t'as mangé comme insecte. Est-ce que tout ça se retrouve dans les fientes? Et ils ont trouvé que la plupart de ces parulines mangeaient évidemment des insectes, mais aussi des araignées qui, comme vous le savez, ne sont pas des insectes. Attention. Nombre de pattes. Exactement. Et en plus de ça, ils ont évidemment regardé chaque oiseau et ils ont trouvé toutes les mesures relatives à la taille du corps, l'envergure, le poids, la forme du bec, etc. Parce que tout ça, c'est disponible dans les musées, mais notamment sur des bases d'informations, des bases de données qui sont disponibles alors dans les publications et puis un peu partout dans le monde. Donc ils ont pris tout ça, ils ont essayé de concaténer toutes les informations qu'ils ont retrouvées, et ils ont essayé d'en sortir quelque chose. Donc ça fait beaucoup d'infos quand même, on parle de 20 ans d'études, mine de rien. Et ils ont essayé de voir si tout ça, toutes ces informations et les conclusions qu'ils pouvaient en tirer étaient corrélées avec ce que MacArthur avait trouvé. Alors, MacArthur avait fait plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'effectivement un oiseau était plus ou moins inféodé à une partie d'un arbre, être plutôt vers le haut, vers le bas, vers le milieu, etc. Et que ça, c'était lié au type d'insecte qu'il allait manger. Donc ils ont regardé, est-ce que ces oiseaux, effectivement les différentes espèces de parulines, mangeaient des insectes différents. Alors là, pour le coup, MacArthur, il avait peut-être mal vu, parce que, en l'occurrence, ces parulines, elles mangent la même chose. On a dit du bien de lui. Oui, on avait dit du bien de lui, mais là, pour le coup, c'était des hypothèses. Ah, il perd 3 places. Qu'il avait posé des hypothèses. Il perd des points. C'était juste des hypothèses. À l'époque, il n'avait aucun moyen de vérifier. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, on peut lui pardonner. Un demi-point, alors. Et là, ils ont trouvé que, non, c'était plus ou moins les mêmes insectes. C'est juste qu'ils étaient à différentes hauteurs dans l'arbre, mais c'était pas trop un problème. En revanche, ce qui allait changer, c'était la manière dont ils allaient capturer ces insectes. Parce que, toutes ces parulines, toutes ces espèces de parulines n'ont pas forcément la même morphologie exactement. Alors, c'est des différences qui sont assez minimes de notre point de vue, mais c'est des différences qui peuvent faire pas mal de changements au niveau de l'écologie de l'animal, parce que par exemple, un oiseau qui va être plus ou moins gros va peut-être avoir des techniques de chasse différentes. Ils ont notamment trouvé dans l'étude que les oiseaux les plus petits avaient plus de facilité à rester en vol stationnaire à un endroit pour arriver à voir les bestioles autour d'eux et ensuite à fondre sur la bestiole en question pour la manger, pendant que les oiseaux plus gros préféraient se poser sur une branche par exemple pour attendre leur prochain repas. Donc là il y a des différences en fait dans la manière d'aller chercher la proie. Ça, par contre, MacArthur avait effectivement une hypothèse de ce type-là, et il se semble que ça se vérifie. Vous avez des morphologies différentes, ça veut dire que vous avez des comportements différents derrière, ce qui est tout à fait logique, en l'occurrence. Et ils ont aussi trouvé qu'effectivement, il y avait des différences dans les hauteurs que certaines espèces préféraient, les altitudes sur l'arbre, donc... Par exemple, les oiseaux avec des pattes un poil plus longues étaient préférentiellement près du sol. On suppose que bah, c'est parce qu'ils peuvent se déplacer plus facilement au sol, avec des papattes un peu plus longues, ça leur permet peut-être de sauter plus facilement ou de courir plus facilement, on sait pas trop, c'est pas précisé dans l'étude, mais bon, ça c'est une hypothèse que je fais, mais en tout cas, il se trouve que ces oiseaux-là, avec des jambes plus longues, bah, ils préfèrent être plus proches du sol, voilà. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de différence dans ce qu'ils mangeaient au sol ou ce qu'ils mangeaient dans les frondaisons de l'arbre. Ça, c'était... Il n'y avait pas de différence significative en tous les cas dans les statistiques qu'ils ont pu faire. Donc, c'est quand même... Ce qui est quand même intéressant, c'est que on arrive à prendre une étude d'il y a plus de 60 ans et on arrive aujourd'hui à confirmer ou infirmer les hypothèses qui ont été posées à l'époque et on arrive à préciser les choses grâce bah, aux statistiques modernes, grâce à des méthodes, bah, par exemple l'analyse des fientes qui n'était pas forcément disponible à l'époque. On arrive vraiment à avoir plus de choses grâce à ça, et ça, je trouve ça intéressant. Alors, il pose aussi l'hypothèse que ces oiseaux-là, en fait, pour eux, la différence de morphologie, la différence d'écologie n'est pas uniquement due, du coup, au régime alimentaire, vu qu'on a vu qu'ils mangeaient plus ou moins la même chose. Et ce que MacArthur suggérait au début, c'est que bah, ces différences donc s'expliquaient principalement par le régime alimentaire, ce qui semblerait n'est pas le cas. Ils disent que là, pour le coup, les différences s'expliquent peut-être par d'autres possibilités. Par exemple, le fait que ces oiseaux migrent tous les ans, il y a certainement une influence du coup sur la forme du corps, ou sur la forme des ailes en l'occurrence, parce que il va falloir qu'ils volent, et qu'ils volent pendant pas mal de temps pour arriver à destination et pour faire l'aller-retour dans l'année. Et en plus, il va aussi falloir peut-être qu'ils partent et qu'ils reviennent dans d'autres endroits où il n'y a pas forcément les mêmes espèces sur place, parce que bon, là, autour de New York, on sait plus ou moins où elles sont, on sait quelle niche écologique elles se partagent, mais peut-être que là où elles vont migrer, c'est pas forcément pareil, ou que toutes les espèces ne migrent pas exactement au même endroit, peut-être, et que du coup elles ont des adaptations un peu différentes pour arriver à cet endroit-là aussi, à pouvoir se débrouiller. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, plein de facteurs comme ça qui peuvent expliquer ces différences morphologiques, et ces préférences au final pour certaines parties d'une niche écologique uniquement, ou cette spécialisation peut-être, qui ne sont pas uniquement liées au régime alimentaire. Donc c'est intéressant de voir en fait comment tout ce qui est autour dans l'environnement va donner une morphologie différente pour un oiseau. Il y a plein de petits facteurs dont on n'a pas forcément idée, mais qui sont très très importants dans l'évolution. Mais il y avait cette même problématique sur les mésanges européennes du coup. Parce que j'ai le livre du comportement des oiseaux d'Europe qui est un formidable livre. Et justement, il parlait déjà de cette idée de strate écologique entre les mésanges. Du fait que tu retrouvais certaines mésanges en bas de l'arbre et certaines mésanges en haut de l'arbre. Mmh. Ce qui, entre guillemets, empêchait le fait que ces oiseaux puissent entrer en compétition. Et c'était très intéressant et je serais très curieux de savoir s'ils ont confirmé par le passé, puisque pour le coup on parle de quelque chose qui est beaucoup plus ancien, ce que les gens de cette étude ont essayé de voir avec la paruline pour le coup. Notamment le fait que la nourriture soit différente. Oui. Parce que dans mes souvenirs, je crois qu'ils disaient que la nourriture récupérée par les mésanges était différente. Donc je serais très curieux honnêtement de relire l'étude qu'ils avaient utilisée pour... S'il y a étude, bien sûr. Ce se trouve, c'est juste basé sur les réflexions de MacArthur et ils ont pris la mésange, ils ont fait... Ouais, c'est pareil. Ça va marcher à peu près de la même manière. Peut-être, je sais pas. Pourquoi s'embêter ? Mais je serais très curieux de savoir si effectivement les travaux qu'ils ont pris, parce que il y a les références bibliographiques dans le livre, relatent ce qui a été vu chez la paruline, ou si au contraire on a vraiment cette différenciation alimentaire notamment entre les différentes maisons. Il y a d'autres espèces pour lesquelles ça fonctionne. Alors on va sortir du monde des oiseaux. Tu sais, en Afrique, on a pas mal d'antilopes. Ah non, pas du tout, non. Pitié. Non, je rigole. Désolée, on va parler de quatre pattes. Mais bon, bref. En Afrique, on a pas mal d'espèces d'antilopes. Et en fait, il se trouve qu'elles arrivent toutes à coexister ensemble parce qu'elles vont chacune manger une partie différente de la graminée. Et on peut avoir 3-4 espèces d'antilopes différentes qui vont manger la même graminée, mais juste pas le même morceau. Et ça, c'est marrant, hein. Donc c'est très très spécialisé et ça permet d'avoir plusieurs espèces dans le même écosystème avec pourtant une niche écologique quand même sacrément semblable. On reste sur de l'antilope. Et là, c'est pareil avec ces parulines, parce qu'on arrive à avoir plusieurs oiseaux qui, bah, de prime abord, semblent appartenir exactement à la même niche écologique, donc on comprend pas trop pourquoi il n'y a pas de compétition entre les espèces. Et puis quand on regarde un peu plus proche, et ben en fait, il n'y a pas de compétition entre les espèces du tout, parce que bah elles vivent pas exactement au même endroit de l'arbre. Et on sait pas trop pourquoi, mais il se trouve que, possiblement à cause de leur morphologie, ou peut-être au fur et à mesure, ils ont évolué comme ça, mais en ce moment, à cause de leur morphologie, il y en a qui préfèrent le sol, il y en a qui préfèrent le haut, il y en a qui préfèrent le côté de l'arbre, il y en a qui vont se balader un peu plus loin, enfin bref. Donc, c'est marrant, comme des espèces très semblables, très proches, phylogénétiquement parlant, parce que c'est le même groupe d'oiseaux, vont finalement avoir des comportements qui sont assez différents. Alors que ça se trouve, il y a un pacte de non-agression, juste, qui a été signé par tous les oiseaux peut-être. En présence, et voilà, c'est interdiction de manger mes feuilles ou mes insectes. Mais peut-être, voilà, peut-être. Ouais, peut-être. Il faudra leur demander. Bon, on va éviter de faire du Peter Jackson, ce serait dommage. Ça ferait un bon film, tu crois? On va lui proposer l'idée. Tu lui proposes l'idée la prochaine fois que tu le vois. Est-ce que les aigles du Seigneur des Anneaux, c'est une aberration ou pas? Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Sophie, peut-être que tu as déjà ton idée sur la question. Ah, c'est possible. Bon, on va s'arrêter là pour les digressions. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. On vous rappelle évidemment que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. N'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu. Si vous avez des questions, la section commentaires de YouTube est faite pour ça. On essaie d'y répondre le plus rapidement et le plus précisément possible. Et puis, bah, si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on a dit dans l'émission, eh bien vous aurez toutes les sources évidemment dans la description du podcast. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à toutes et salut à tous. À plus.